Chaud café, je mélange vodka tropicana. Tu fais le mec, la suite. Mais elle t'appelle mon petit canard. Tu profites parce que je dis pas non. Je vais pas courir derrière parce que c'est canon. Cette année, je vais tout péter des annonces. Garde le moral comme boy à salon. Quand j'ai serré, c'est tu m'as sali. Qu'est-ce qu'elle a, elle est plus caline. Qu'est-ce qu'il a, l'ennemi, me dans sa lit. Et tu fais comme le cartel de Cali. On me dit que je brille. Pourtant, je suis dans l'ombre. Encore que je trie, que je garde dans l'ombre, moi pas prier. J'm'encore au quartier la maille, j'ai tout le temps crié. Et j'ai occupé de ma life, mes potes sont brillés. Ils ont fait courir la patte, dans mes patines. Laisse-moi qui connaît ma part, j'me vois pas prier. J'me vois pas prier, crier, j'me vois pas prier. J'me vois pas prier, crier. Tracer la guitare, tu vas tout là-haut. Merci, pas besoin de donner la bite à que tu m'embêtes. Tu veux faire un tête et on fait un tête. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Viens voir où je traîne, y'a des mecs à gouler sur des fautes qu'on fait. Et je suis mon pète avec un tricot, mais j'ai qu'il fait que ils aimeraient voir comment je travaille, ils veulent ma recette. Je fais la fête, en survêt, tu m'en bats les steaks. Dans la team duel, y'a pas de racisme, pas politique, ce n'est pas une secte.